Its number is 666. Tini, à quoi comme groupe ce soir? Les Gérants Verts de l'Aigle. Il y a les Puducœurs. Les Puducœurs, ça donne quelque chose? Non, ça dope. Sur Rage, le métal, c'est tapage nocturne. Le hard, c'est complètement cosmique. Bonsoir, ce soir dans l'émission, une heure de rock et de métal comme à l'accoutumée, avec une grosse tendance glam. On a bien sûr en studio invité, comme on vous a dit la semaine dernière, Rackletrax, les Marseillais de Rackletrax qui vont nous faire un peu étalage de leur talent. Et du coup on va passer du glam et du sleaze à volonté, donc pour tous les amateurs vous allez vous régaler. Vous êtes dans Tapage Nocturne et ça commence avec ça. Hop là, Guns N' Roses, il n'y avait pas une autre ouverture possible pour cette spéciale ce soir. Spéciale donc glam et sleaze, comme je l'ai dit, parce qu'on reçoit les amis marseillais de Rackletrax dans le studio. Ils vont nous parler de leur EP. Comme à l'accoutumée, je vais présenter les membres de l'émission, parce que nous, on n'est pas polis ici. Donc Stéphane, ça va bien? Salut à tous, ça va très bien. Christophe, à la technique, ça va? Ça va. Ouais, et Mirek, qui est entre deux micros, parce que... Oui, bonsoir à tous. Oui, ce soir, les Rackletrax sont 5 en studio, on manque un poil de micro. Donc ils vont commencer à 5, et pour des raisons pratiques, ils passeront deux par deux, un peu comme à l'école ou chez le dentiste. Et on va ouvrir, on va saluer les Rackletrax, qui viennent de Marseille exprès. Allez-y, oh, voilà, aux parents, présentez-vous aux parents, les gars. Achaté, je m'appelle Jeannot Grosse-Tifo. Et oui, c'est moi. Là, je m'appelle Niki, je suis le bassiste. Hop là. Next one. Et Squall, guitariste. Zantolo. Près du micro, les gars, près du micro. Zantolo à la guitare. Près du micro. Le sté batteur. Là, c'est difficile, là, il faut se battre. Dans le zboom. Et Shannon au chant. Ok. Donc on va parler évidemment de Raquel Trax, de sleaze et de glam d'une manière générale, puisque la playlist sera entièrement consacrée à ce style-là. Je me suis laissé pousser les poils du torse exprès, oui. Moi. D'ailleurs les filles, si vous voulez voir les membres de Raquel Trax sur la webcam, www.rage.fr. Et il y a aussi elle les 4... Où, la webcam ouais. Elle est là, juste en face, en là-bas. Voilà. Hop là. Et il y a aussi les 4 beaux gosses de Tapage Nocturne, évidemment. Bien sûr. Surtout. Et j'ai cru comprendre que Barack Obama écoute Tapage Nocturne ce soir, donc il pourra profiter d'une superbe émission. Très bon clin d'œil. Oui, bien sûr. Donc Raquel, on va commencer avec 3 membres, hein, parce que là, si vous parlez tous les 5, déjà, il n'y a pas assez de casques, donc ça va être un peu la cohue. Donc, vous êtes formé en 2006. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter Qui veut rester là pour l'instant? Hop là, donc là, tactiquement, c'est... voilà. Super mouvement autour de la chaise. Il se marche dessus. On prend un casque retour. Il y a 2 punis, voilà, ils reviendront un petit peu plus tard. Donc ouais, qu'est-ce que vous avez fait, les gars, si vous avez eu un parcours musical avant Raquel Trax, chacun, et... Allez-y, présentez-vous. Squall. Moi, c'est Squall, et ben, en fait, j'ai joué avec Niki et Stefanovic dans un autre groupe il y a quelques années en arrière. On avait pu jouer ensemble depuis quelques années aussi. Voilà. Et puis un jour, je suis arrivé dans un local et puis ils m'ont dit ça te dit de faire gratteux. Ben, j'ai fait le gratteux. Ouais, et... groupe d'amis depuis. Voilà, et ainsi de suite. Quoi, rien d'extraordinaire, mais en même temps, c'est une méchante aventure. Voilà. Tant que ça marche, de toute façon, voilà. Faut foncer. Tant qu'il y a le fluide, la musique, l'amitié et tout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ouais, c'est pareil pour la radio d'ailleurs. Seb, Shannon, pardon, excuse-moi. Le chanteur au micro. Non, moi j'avais commencé en tant que guitariste dans un groupe de punk, Godsiders. D'accord. Puis après, ça s'est arrêté là au bout d'un an. Vous êtes tous de Marseille? On est tous de Marseille, ouais. Ok. Et, ouais, et moi j'avais commencé rappeur au tout début. Ouais, bah, ça s'entend dans ton flow quand tu parles. Voilà, j'ai démarré dans le funk, j'accrochais les posters de Michael Jackson, taille réelle, de Michael Jordan et tout. Et puis j'ai goûté à ma première bière, et puis ça y est, voilà, j'ai changé, j'ai tout viré et tout. Dire que j'étais sportif avant et plus maintenant. Donc, si, ça se voit encore un peu. Oui, ça se voit un peu. Donc voilà, 15 ans après, on n'a pas changé, on est tous les mêmes. Et donc votre passion pour le glam est intacte. Et vous êtes formé il y a 2 ans. Le CD, 4 titres, vous l'avez enregistré quand? Il y a 6 mois. Juin 2008. En juin 2008. Ouais. Et ouais. Donc il y avait Frankie Costanza de Dagoba qui vous avait filé un coup de main pour l'enregistrement. Mmh. Donc c'était juste un coup de main, il a jamais été question qu'il fasse partie du groupe à part entière. Au début on se sentait quoi, mais bon, comme il n'était pas trop disponible. Oui, il n'a pas trop le temps, j'imagine. Voilà, ouais. Donc pas eu moyen quoi. Ouais. Et on a galéré pour trouver un batteur, on a mis bien un an quand même pour trouver... On avait reçu El Charge qui nous disait qu'ils avaient eu beaucoup de mal pour trouver de bons musiciens sur la scène marseillaise. Surtout des musiciens motivés, en fait. Ouais. Ouais. Tout à fait. Tu confirmes. Il y a des bons musiciens, apparemment, il y en a, mais des motivés, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Bon, de toute façon, on va continuer à parler de Raquel Trax et on va donner une idée aux auditeurs qui ne connaissent pas votre groupe avec votre morceau « Give Me Your Love ». You Salut, c'est Christophe Doy Carter. Donc le mercredi soir sur Rage, Tapage Nocturne, l'émission qui te retourne les burnes. Ça sera coupé au montage. C'était Buck Cherry, le morceau Tired of You, de leur excellentissime dernier album Black Butterfly, dont j'avais déjà parlé, qui est vraiment une petite merveille de hard US, un peu sleaze sur les bords, même si c'est vrai qu'il y a peut-être une balade de trop. C'est peut-être leur péché mignon, mais comme le précédent avait vachement bien marché, ils avaient vendu plus de 2 millions d'exemplaires. Là, le dernier, ils en ont déjà vendu 500 000 exemplaires aux States. Donc, puis ils ont bossé avec Marty Frederiksen, qui a bossé avec Aerosmith sur le dernier Motley, donc il fait toujours... Enfin voilà, des mélodies vocales très accrocheuses, on va dire. Et donc on est toujours avec Rakel Trax. Oui, on retourne avec Rakel Trax en studio. Et donc on a écouté un morceau de votre EP, c'était le morceau Give Me Your Love. Donc là, on est toujours avec Squall, Nikki et Shannon. Donc, et ouais, par rapport aux origines du groupe, donc je sais que vous avez pas mal galéré déjà pour trouver un batteur, mais donc les membres fondateurs, c'est toi, Shannon et Nikki, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme ça. Et Zantolo, qui est à côté, qui viendra tout à l'heure. Et j'imagine que ça doit être assez dur quand même pour trouver des musiciens fans de hard US et de glam. J'ai mis 15 ans pour trouver une formation glam, ouais. Parce qu'à l'époque, personne voulait faire du glam, quoi. Parce que bon, c'était trop gonzesse, le maquillage et tout. Et puis il y a le grunge qui est passé par là. Et ben voilà, et il fallait avoir 30 ans pour faire du glam, quoi. Toutes ces années, 15 ans qui sont passés pour rien. Il aurait fallu le faire quand on avait 18 ans. Au moins, on était tranquille, voilà, on pouvait mettre les bouchées doubles. Là, on peut pas mettre des bouchées doubles. Mais tu rattrapes le temps perdu. T'as l'expérience. On va essayer de rattraper le temps perdu. Bien sûr, t'as l'expérience et la hargne pour en mettre encore plus. Ouais. Il y avait pas trop les sous, mais bon, essayez. Bah, tu gagnes en perte de boutons ce que tu perds en sous. Quoi. Voilà. C'est... Ah, ouais, le timing, hein. Si on fait du glam à 50 ans avec les, la barbouze, les rides, les cheveux blancs et tout. Non, mais pour t'avoir vu sur scène, ça va, t'as bien la pêche quand même. Ouais. Pas encore un vieux croulant. Pêche. Par rapport à l'enregistrement du EP 4 titres, vous l'avez enregistré avec Thomas Tibéri. Tu m'as dit Squall dans des conditions assez précaires, mais le son est là, quoi. Ouais, un local, des locaux de répète de la Caplette, pour ceux qui connaissent, et à Marseille. Voilà, donc en fait, quatre murs en formica. Voilà, avec un petit micro devant l'ampli, pareil pour le chant. Voilà, et puis après la magie des manettes a fait que ça sort pas trop mal, ça va. Déjà, il y a un bon gros son de guitare bien sale, donc c'est ce qu'il faut quand on fait du sleaze. Ah, mais l'ordinateur est là, ça y fait. Ah, merde, t'as brisé la magie, la merde. Et par rapport aux concerts, donc le groupe existe depuis 2 ans, vous avez donné pas mal de concerts, ne serait-ce que dans la région ou ailleurs ? Quelques-uns, ouais. On est même allé en Italie. Le Glam Attack en Italie. C'est un festival glam. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait il n'y a pas longtemps le Chaos Fest. Très bon concert, on y était d'ailleurs. On a bien rigolé. En fait, on vous avait découvert tous les quatre au local fest en plein air en juillet dernier, c'est ça. Avec les cigales, on a joué. Oui. Donc pour un groupe de glam en plein air comme ça. Elle chantait avec nous. Voilà, pendant la journée, c'est peut-être pas les conditions idéales, peut-être même au niveau du son. 16h en plus, l'après-midi, j'étais fatigué. Ouais. Oulala, et tu sors cagnard. Tu sors de l'apéro et tout. Et tu rentres encore ton pastis et ton saucisson qu'il faut aller sur scène. Non, mais on avait encore plus apprécié au Chaos Fest avec les lumières et un meilleur son. Et c'était vraiment. Même Mirek à côté de moi qui n'est pas. Oui, je ne suis pas un grand fan de glam, mais voilà. Au Chaos Fest, je dois dire que vous m'avez mis une claque énorme. Et apparemment, voilà, vous êtes un groupe quand même, surtout selon moi, de scène parce que vous représentez, enfin, si on peut dire, quoi, vous avez une présentation scénique qui est hors du commun. Pour un groupe local, en tout cas, c'est assez énorme. Parce qu'il faut préciser aux auditeurs qu'il y a le look qui va avec. Ouais, vous êtes glam à fond. On mise tout sur ça, quoi, sur le look, la prestance scénique et la musique. On essaie que ce soit pas trop pourri pour que la musique suive, parce que c'est vrai que les gens suivent. Ouais. Malgré, parce que des fois on a le truc sur scène et puis t'écoutes, en fait c'est pas terrible, quoi. Bon, on essaie quand même d'avoir un bon niveau, que ce soit bien écoutable, des bons refrains qui sont accrocheurs, parce que le glam c'est ça. Hein, oui, c'est le principe. C'est un bon solo, un bon refrain. Et ce qui est sympa aussi, deux, trois riffs de guitare. Coup de girl et de baby dans un coin, l'homme. C'est une musique sans prétention, malgré qu'on a tous 15 ans de musique. On pourrait faire des trucs à la Mr. Bungle, des trucs plus techniques. Mais on cherche surtout tu te vends, toi, quand même. Comment ? Tu te vends, toi, quand même. Non, Mr. Bungle, c'est vachement. Ah ouais, mais j'ai zéro levé les parties de basse et tout. Ah d'accord, ok. Je suis voué. Ah ouais, sérieux. Non, mais ce qui est appréciable aussi, c'est votre énergie sur scène. Il y a un côté vraiment punk, quoi. Ça, c'est le whisky et moult, ça. Non, il faut pas dire ça. Non, mais il y a vraiment un côté. C'est le whisky, mais avec modération, on va dire. Modération. Une énergie glam punk qui est. Beaucoup de lac aussi. C'est tu sais que tu brises tous les mystères là. Non, mais il donne aussi des conseils à ceux qui veulent se lancer dans le glam parce que les jeunes ne connaissent pas ça. Le Jacques de Sage déjà. Merveilleux shampoing, c'est le temps pour les cheveux. T'es sponsorisé. On est là pour faire revivre le glam et on va y arriver. Ouais. Et la laque, c'est Pantene Pro V à la Pro Vitamine B5. Attention quoi. Parce qu'elle ne colle pas. On peut débroussailler avec le séchoir et tout. Donc Raquel Trax, c'est sponsorisé. N'est-ce pas, Shannon? Il y en a qui auraient préféré être endorsé par Gibson ou quoi, vous, Jacques de Sange, c'est parfait. Jacques quoi. De Sange, voilà. Elle sert de temps à autre. La céramide R. Attention, pas n'importe laquelle. Spécial pour les cheveux secs et nerveux. Et Yves Rocher, Maybelline, ça vous arrêtez vos conneries. On est là pour parler de musique. On va passer un peu de musique avec. Le parfum, c'est Yves Saint Laurent. Phobie, se parfumer. Faites-le taire, s'il vous plaît. Faites-le taire. Donc, on va passer un morceau du dernier album solo de Steven Piercy. Le chanteur de Rat. Je tiens à préciser qu'il est arrivé, était moribond à cause du voyage en voiture, et là il est revigoré. Hier c'était la folie. Hier, ouais. Et il faut 24 heures pour que ça arrive, toi. J'ai pas eu ma dose de kebab aujourd'hui. C'est tout le temps. Donc je disais, on va écouter un morceau du dernier album solo de Steven Piercy, le chanteur de Rat. Un album pas extraordinaire, mais. Il a réenregistré. Non, il est pas terrible, bien mieux autre chose. Moi j'ai une méchante CD, tu vois. Non, mais. Ah, il a réenregistré Round and Round, un classique de Warrant, de leur premier album, avec les petites gusesses de The Donnas, un très bon groupe de punk pop américain, un peu à la Runaways, qui était le premier groupe de John Jett et Lita Ford. Et ça donne une seconde jeunesse à ce morceau culte qu'on va écouter tout de suite, Steven Piercy, Round and Round. Allons-y. This is Julie from Hydrogen. You're listening to Rage 102.5. Six, Alors, on illustre bien la thématique glam de l'émission. Hein, je disais un peu de love, de baby et sexe dans un titre. Donc Sex Action de LA Guns, l'album LA Guns. Oui, le premier album. Oui, donc c'était un choix 87. Qui est partagé par tous les amis de Rackle Tracks avec lesquels nous sommes de retour en studio. Ben, en termes de sleaze rock, c'est un des groupes cultes. Qui a toujours été un peu le dauphin de Guns N' Roses, qui n'a pas eu la même carrière que Guns, évidemment. C'est le problème d'arriver avec des grosses machines. Ils ont eu des albums inégaux, ils n'ont pas arrêté de changer de line-up aussi. Ils continuent d'ailleurs aujourd'hui sans Tracy Guns, qui fait n'importe quoi, je ne sais pas ce qu'il fait d'ailleurs. Donc on a fait un peu les chaises musicales et on a récupéré un gratteux. On a récupéré un guitariste et un batteur. Et un batteur, voilà. Opelio Pela, bonsoir. Ça va, Zantolo ? Bonsoir, ça va, tranquille. Ouais, tranquille. Donc elle est tout de suite influence présentation. Ouais, influence. Dans le groupe, plop, est-ce plop, que plop. Tu aimes un peu Slash? Je crois qu'il bande un peu sur moi. Faudra que je dise d'arrêter parce que je vais changer de look parce que j'en ai marre comme disait Slash justement. Non mais d'ailleurs vos influences à tous les musiciens qui vous ont donné envie de vous y mettre chacun. Ouais ben ouais moi c'est Slash forcément. Après je suis parti plus dans un délire métal par rapport aux autres du groupe. Je suis le seul peut-être un peu métalleux. Plus Sepultura, Pantera, Soulfly, tout ça. C'est du très bon aussi. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais après, bon, quand l'opportunité se présentait de faire du glam, forcément, on saute dessus. Il n'y en a pas à Marseille. Ni en France. Maintenant, si. Influence. Moi, les influences, c'est avant tout Striper, Michael Sweet. Après, des groupes comme Pretty Boy Floyd, Vain, Rocks Gang. Ouais, voilà, que des classiques du glam. Classiques du glam. À moi. Nicky. Morten Harkett de AA, j'adore Sandra, Bret Michaels de Poison, Kiss Six de Motley Crue, Jim Morrison des Doors, et ouais, il y a un paquet. Squall. Il est loin, il faut que tu te rapproches. Oui, ouais, Mes premiers amours, les Beach Boys, il y a très longtemps, j'avais 6 ou 7 ans. Et ensuite, je passais à Led Zepp, Guns, Aerosmith, après j'ai mon époque un peu plus métal de Infectious Grooves en passant par System of Down et bien d'autres, même un peu grunge et tout. En fait, j'ai un peu touché à tout. Voilà. C'est bien d'avoir différentes influences aussi. Et votre nouveau batteur, enfin. Et le nouveau batteur. Nouveau batteur, ouais. Laissez-lui la place. Qui a un t-shirt Motley Crue, donc je pense que tu vas me dire Tommy Lee. Tommy Lee, ouais. Et tu auras raison. Tommy Lee est un grand batteur. En fait, moi je suis un peu décalé des fois. Pour un batteur, c'est pas assez normal, mais. Ouais. Genre Suicidal, ils sont passés à Marseille, j'étais allé voir la semaine dernière. Ah bah on s'est vu alors peut-être. Oui, je t'ai croisé, ouais. Le gros black là, c'est vrai qu'il est terrible à la batterie, hein. Il est énorme, dans tous les sens du terme. Ouais, bah Primus. Ah Primus, ok, ouais, d'accord. Ouais, donc pas que des influences pures glam. Ouais, quoi. Sinon Vic Fox. Vic Fox, ouais, de 9-9. Qu'aime beaucoup Frankie aussi de Dagobah. Hein. Ouais. Ça se voit quand on le voit sur scène. Et ouais, par rapport à la scène française, c'est vrai qu'il y a quelques années, il n'y avait aucun groupe de glam. Il y en a un peu plus maintenant, style Black Rain. Sur Paris, il y a des groupes comme Aesthesia, qui est un très bon groupe de sleaze rock aussi. Il y a Snake Eye, qui est plus dans la veine hard rock mélodique à la Dokken. Nos amis, les Didi's Toys et les Privatelles. Ouais. Il y a Pleasure Addiction aussi, qui est un nouveau groupe qui a l'air de marcher, qui va se faire produire par Bo Hill, qui était un producteur mythique de Warrant, Rat, Winger, etc. Donc ça commence à se réveiller un peu, mais c'est vrai que dans le sud, vous êtes, je pense, les seuls, non, de groupe de... Les Mystic Motorcycle, Toulon. Qui donne aussi dans le Hard Rock. On fait un concert le 20 décembre au Corrigan, et on fait la deuxième partie. Voilà. Ok. Non, c'est un bon groupe, bien connu pourtant. Là, il revient d'une tournée au Canada. Plus à la Hanoi Rocks, je pense, surtout vestimentaire, c'est sympa. Et vous avez donné combien de concerts à peu près depuis les débuts du groupe ? Une dizaine. Bah ouais, à l'aise. Un peu plus quand même. 20. 30, 40. Non, quelques-uns. Et donc, je me souviens, j'avais discuté avec Squall au Chaos Fest du festival que vous aviez fait en Italie, le festival de Glam, avec notamment Jimmy Nye 5, un groupe de suédois. Tu m'avais dit que ça s'était pas super bien passé au niveau des conditions, des conditions techniques, on va dire. Ben en fait, au niveau son, ça, on a été un peu déçu. Je pense pas que ce soit la faute des mecs qui ont fait le son. Je pense que c'est nous qui n'étions pas prêts à une grosse scène comme ça, peut-être un peu. C'était aussi. Vraiment un gros festival. C'était un gros truc. Ouais. Alors, on va dire, en fait, le public n'était pas en fonction de la scène. Ouais. Parce que bon, honnêtement, la scène que c'était un truc de 50 mètres de large sur je sais pas combien, ouais, un truc énorme. Quoi. Ah ouais, d'accord. Il y avait des portiques avec des lasers, des lumières et tout. On est arrivé là-bas. Il y avait des moyens. Le premier jour, on nous a montré la scène. On a fait qu'est-ce est-ce qu'on est, où on est, où on est. Il y avait Deep Purple qui était passé une semaine avant. D'accord. Ah, vous avez cru que c'était le parking, en fait, c'est la scène. Ouais, après quand on joue devant 300 personnes, la scène elle va pas trop avec, quoi, en fait. C'est ça qui est un peu gâché aussi. Mais bon, c'est pas le nombre de personnes qui fait le concert de toute façon. Hein. Bon, on n'a pas été au top du top, on va dire. Peut-être que ça, au niveau de la condition de la salle, ça a été vu un peu gros, peut-être pour un festival comme ça, disons. Où il n'y avait pas peut-être véritablement de grosses têtes d'affiche en matière de glam. Ben, il y a quelques années en arrière, je crois que ça fait combien d'années qu'ils le font le festival Ouais, ça fait 10 ans maintenant. Non, il y a pas mal de bons groupes qui sont passés. Il y a du Pretty Boy Floyd, Alice Cooper. Ouais, c'est une grosse année. Ouais, du Hardcore Superstar, il y a pas mal de choses. Bon, c'est sûr que. On se retrouve avec Jiminy 5. Bon, ben, ils sont connus, mais peut-être pas autant qu'Alice Cooper. Oui, ouais, c'est sûr. Ils vont pas ramener toute la famille, disons. Voilà. J'imagine que ça ne va pas être évident de décrocher des concerts en France. Parce que déjà, en matière de rock'n'roll, la France est un pays assez arriéré en Europe. Donc j'imagine que pour le glam, on discutait avec Shannon Antin tout à l'heure. Il y a plein de groupes de hard US qui font des tournées en Italie, en Espagne, en Allemagne et qui passent jamais par la France. Donc on dirait un jeu pour les dates de concert. Ouais. Des fois ils font tout le tour de l'Hexagone, voilà. Jamais ils mettent le pied dedans. Et donc ça doit pas être évident d'arriver à décrocher des dates. Bon, sur Marseille vous êtes connu, mais en dehors ça doit pas être super évident. Non, c'est pas évident. Là on essaye de taper un peu sur d'autres pays, là, pour l'Espagne, la Suède. Mais c'est vrai que c'est pas évident encore. Faut déjà arriver à être défrayé aussi. Et voilà, c'est le problème de beaucoup de groupes. En Italie, c'est pas. Attendez, vous avez besoin de. Il y a des gens qui vous ont pas payé encore. Non, mais c'est juste pour dire que pour aller en Italie, on a passé 8 heures dans un 4x4 où normalement il n'y a que 2 places dedans. Et ça sentait le loup. Malgré le Jacques de Sange et tout ce qu'ils ont su. Ouais, heureusement qu'on avait la DS, la compagnie, on s'est fait les combos, les combats de Bomberman et tout. Ouais, ça, c'est excellent ça. Bon, on va repasser un morceau de Raquel Trax. Voilà. Du CD 4 titres, et en l'occurrence, c'est le morceau Together. Together. We'll be right back. et j'écoute Tapage Nocturne sur Rage. On vous disait que c'était glam ce soir dans Tapage Nocturne, c'était Pretty Boy Floyd à l'instant. Le morceau Leather Boys with Electric Toys, tiré de leur premier album mythique sorti en 89, qui est un classique énorme du glam, avec les voix nasillardes, les chœurs bien pompiers, enfin tout ce qu'il faut. Ah bah, tout le complet quoi. Voilà. Et donc on est toujours avec Raquel Trax, qui sont nos invités dans le studio. Donc on parlait par rapport au CD 4 titres. Déjà, quel accueil vous avez eu, quelle réception vous avez eu par rapport au CD? Est-ce que vous l'avez envoyé à différents labels ou au magazine ou au webzine ou pas encore? Là, pour l'instant, on est en train de faire un listing un petit peu de tous les labels et tous les endroits où c'est qu'on peut les envoyer. Là, la priorité, on va essayer de commencer aussi par Paris Records aux États-Unis. Ouais, qui est un gros label, le label glam américain. Glam, voilà, pour essayer d'être sur la compile qu'ils font chaque année, là, le Hollywood Hairspray. Mm. Et là, nous sommes en prévision d'un clip, donc on va profiter pour faire l'annonce. On cherche des filles bien foutues quand même pour notre super méga clip. Eh oui, il faut, merde. Donc effectivement, ouais. Hein, ça va de soi quand même. Il y en a marre sur les rappeurs qui font les méchants clips avec les méchantes femmes. À la base, c'est du hard rock américain, les babes dans les clips et tout. Vous avez voilà quoi, les filles, si vous entendez, je vous laisse mon numéro de portable si vous voulez, c'est 06 24 52. Non, vous pouvez aller sur le MySpace de Raquel Trax, c'est myspace.com/ Raquel Trax, RAKELTRA2X. Bravo, très professionnel. Café, ce samedi, on fait un concert. On peut dire le nom du bar ? Mais bien sûr. Bien sûr, c'est une salle. C'est le Select sur la plaine, boulevard Jean Jaurès. Donc ça commence à 20h, venez nombrer avec Privatel, oui effectivement, en effet. Donc pour ceux qui ont prévu d'aller voir Red, c'est Blazing Horror Machine, si vous avez peu de temps, on joue tôt, donc vous venez nous voir, après vous enchaînez l'espace du lieu. Oui, voilà. Et c'est gratuit. D'autres concerts sinon de prévus à part celui-là ? Le 20 décembre. Avec le 20 décembre au Corrigan avec les Mystico Circle. D'accord. Et le 24 janvier au Musicomania avec Harmonic Generator. Okay. Et le 12 mai au Dôme en première partie. De... Oui, bien sûr, en partie de Motley Crue, c'est prévu. Et... je crois que vous avez fait un album Bouches-du-Rhône Démocratie, je crois bien. Ouais, voilà. Oui, il paraît que le nouveau Guns N' Roses sortirait le 23 novembre. Mais non, il paraît que c'est officiel, que c'est Geffen qui l'a annoncé tout ça. Il a été avancé au 22. Ouais, 22, donc on en reparlera d'ici là. Il a réussi à l'écouler quand même, il faut bien qu'il le sorte un jour. Oui, bah ça fait au moins 10 ans qu'il est dessus, Axel, donc. Mais il est très tatillon sur la prod, je crois. Ouais, il est un tout petit peu perfectionniste. Il est un tout petit peu con aussi. Très beaucoup. Et donc, c'était votre première démo, on en a passé deux titres, un CD 4 titres. Vous avez une autre démo, je crois, en prévision ? Une autre démo en prévision. Puis vous après, avez combien de morceaux à votre actif pour l'instant ? Là, on a une douzaine de morceaux, c'est tout le groupe qui compose. Ah, donc si donc, vous aviez les moyens, vous pourriez enregistrer un album carrément. Oui, on aimerait bien. Si vous aviez un label, on cherche producteur. Des... Oh, grand Manitou, grand stratégaire. Si tu es producteur, que tu as un label. Attention, mon appel. C'est mon portable, 06 52 24 et tout. Non mais sincèrement, enfin, si vous bougez un peu le cul pour envoyer le CD au label et tout ça, moi je vous le dis objectivement et sincèrement, j'en écoute pas mal du glam, vous avez un vrai potentiel quoi. Ah ouais, il y a de quoi faire là. Pas juste... c'est pas la modestie qui va t'étouffer. C'est gentil, non mais merci. Vraiment, sincèrement, donc je pense que vous pourriez être signé largement sur un label style Bad Reputation ou... Mais bientôt, ça. Mais ça, oui, mine de rien, mine de crayon, si c'est ce qui va se passer. Hein. Non, mais... Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on a démarré de rien et là... Vous êtes arrivé nulle part pour l'instant. Ouais. Chez vous, et dans Rage 90.3, oui. Et à la limite, si vous n'arrivez pas à trouver de label ou quoi, vous seriez prêt à autoproduire l'album ou, si on a les sous, oui. Ouais. Oui, c'est toujours la même histoire. C'est... Vous avez tous un boulot, je suppose. Oui, jardinier, paysagiste, vendeur de kebab, compagnie. Voilà. Ouais, monsieur. Nous, c'est un peu pareil. Représentant en shampoing et cosmétiques. Oui, effectivement. Mais ça, c'est gratuit, par contre. Jean-Louis David, qu'on salue bien bas. Bon, on va repasser. On a fermé, on a eu trop d'amans. On va repasser un peu de musique avec. Là, j'ai pas fini de parler. Mais on va terminer de parler après tout ça. Motley Crue a sorti son premier album en 81 et c'est l'album qui a tout déclenché au niveau de la seconde vague de glam aux États-Unis. C'était en 1981, c'est le premier morceau de leur premier album et c'est Live Wire. Take my breath and break the walls. Hunt up the night. No, no. feeling free, a little bit better than it used to be. Cause I'm alive. Il fallait passer du Motley dans une spéciale glam hard US. C'était Livewire tiré de Too Fast for Love. Donc on va bientôt terminer l'émission, malheureusement, avec toujours les amis d'Oracle Trax. Ils sont tous les cinq là dans le studio. Ils ont survécu, c'est bien. Voilà. Ils sont beaux, j'allais dire ils sont frais, pas tous. Et qu'est-ce que vous vouliez rajouter, les gars, éventuellement? Ben déjà, avant toute chose, on va vous remercier quand même de nous avoir invités à la super émission qu'on est venu faire ce soir. Dites-vous juste pour info que si on n'aime pas, on n'invite pas. Voilà, donc, voilà. on ne se force jamais à inviter. Ben, en des tout groupes. Cas, on remercie quand même, on a très bien accueilli, on a bien déliré, et voilà, c'est le principal, je crois. De toute façon, on vous suivra de près, les gars. Oui, et c'est toujours un bonheur de faire de la promo de bons groupes régionaux. Voilà, parce qu'il y a une vraie bonne scène dans le sud. Et Ça, c'était le passage lèche cul. Non, mais c'est la vérité. On s'est filé du pognon avant de rentrer en studio, comme ça c'est réglé. Ils peuvent payer l'autoroute pour rentrer. Donc, comme ça, donc une seconde démo en prévision. Je répète votre MySpace, donc c'est myspace.com/racaltrax tout simplement. Vous aurez la référence sur le www.rage.fr. Voilà. Sur notre MySpace à nous aussi, Tapage Nocturne. Oui, il y a le MySpace de Tapage Nocturne. Et il y a les podcasts sur le www.rage.fr. Donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les gars? À part des filles et de l'argent. Un quart de suédoise. Même pas de l'argent, la réussite c'est mieux que l'argent. Et la santé à mon avis. Oui, la santé en premier, mais au niveau musical. D'aller encore plus loin que ce qu'on est. De jouer un maximum de concerts, toujours. Ouais. Le concert c'est tout ce qui compte vraiment pour nous. Donc vraiment je vais être sérieux deux secondes. Pour ceux qui se font chier le samedi soir, qui en ont marre de voir des concerts de merde avec des groupes statiques, bougez-vous le cul, venez nous voir, on vous le rendra. Même ceux qui se font chier la semaine d'ailleurs, hein, qui peuvent se détendre le week-end. Ah, bon, la grosse polémique en ce moment, c'est le téléchargement. Nous on s'en bat les couilles du téléchargement. Du moment qu'on a les méchants concerts et tout ça, on peut toucher 4 sous avec ça pour en vivre. Eh ben franchement, je pense que c'est ça la musique. C'est pas, on vous le rendra c'est pas bien, un CD, quoi. C'est pas... C'est pas un truc qu'on écoute chez soi tranquille tout seul ou quoi, à part pour écouter du Mozart ou quoi. Bon voilà. Bon, pour non, mais oui, c'est drôle. C'est mieux à partager en concert. De la sueur et tout le reste, quoi. Voilà. Et vive le glam. Voilà. Bien sûr, et vive, vive les hairsprays et le eyeliner. Bon, on va remercier bien sûr Oracle Trax. On espère qu'on. Qui sont venus de Marseille. On vous aura encore une fois en studio. Pour la sortie de l'album qui sortira dans le monde entier, évidemment. Avant de passer, on vous le souhaite en tout cas. Avant de passer le relais à Underground Zero, ouais. L'émission en noise. On l'a annoncé. Bravo, c'est JR, tu n'as pas oublié cette semaine. Bravo. Underground Zero. J'ai réussi à faire mon boulot pour une fois. On s'excuse pour toutes les fois où on les a oubliés. C'est pas cool. Ah oui, je voulais pas, annoncer 2-3 concerts vite fait. Je rappelle qu'il y a Corbier au Black End à Marseille ce vendredi, ce samedi 7 et 8. Il faut aller le voir parce que c'est culte en c'est concert. Énorme. Voilà. C'est énorme. Il y a aussi Ultra Vomit qui repasse dans la région à Montpellier vendredi soir à l'Antirouille. Et il y a Brand Bjork, notre ami ex-Caius et ex-Fu Manchu. Qui énorme passe... Caius. Ouais, énorme. Qui passe mardi 11 à Luynes à côté d'Aix au Corrigan. Et on y sera. Voilà, Brand Bjork à Luynes mardi soir. Donc on va se dire au revoir les gars et puis on va repasser un morceau de votre CD 4 titres. Rackle Track, Sex. C'est le morceau S.I.X. qui parle de sexe, je crois, non, c'est ça? Oui. Je crois bien. Il me semble. Et encore merci d'être venu. Et puis, merci à vous encore et bonne soirée. Et bonne semaine à tous les auditeurs. Bye bye. Raquel Trax.